Et bonjour tout le monde, bienvenue dans été.mp3. Comme tous les jours, on va s'écouter une petite chanson. Cette fois-ci, on va aller au Brésil pour écouter un groupe qui s'appelle Angra avec une chanson qui s'appelle Casa e Casador, une version donc en portugais de leur tube Un Tos en Puey qui est sorti sur l'EP Un Tos en Puey en 2002 et on en parle après. C'est parti. We'll be right back. Casa y Casador, une chanson de Angra sortie en 2002, il me semble, c'est en 2002, sur leur EP Hunters and Prey. Donc c'est une version en portugais de leur chanson Hunters and Prey, donc chasseur et proie, et qui étrangement, je le dis parce que je l'aime beaucoup, ne correspond pas forcément à ce que le groupe fait d'habitude. Voilà, c'était Sébastien d'ailleurs de la boîte à gants qui m'avait fait découvrir cette chanson. Voilà, pendant une soirée à la maison, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une chanson que je trouve vraiment cool avec du coup cette ambiance assez positive, assez joyeuse, presque angélique. Ces chœurs, ces petites percussions, les quelques percussions brésiliennes et tout ça, et c'est vraiment une chanson que je trouve vraiment qui a une très très bonne ambiance. Et puis voilà, petit côté métal, tout ça, gros solo guitare, moi j'aime toujours ça, mais c'est pas forcément vraiment ce que fait le groupe d'habitude. C'est un groupe qui est donc plutôt power metal. Qu'est-ce que c'est ça va être du métal très rapide, avec un peu massif, voilà, un peu excessif, dans le style. On peut peut-être parler de comment il s'appelle, Dragon Force, voilà, qui eux se disent en plus speed metal, donc c'est un truc qui va encore un peu plus vite, mais c'est un peu du heavy metal en plus, en plus balèze le power metal. Ils sont connus pour ça à la base. Après ils vont un peu aller sur du metal progressif. Metal progressif, ça va être quelque chose comme un peu plus presque, ouais, un peu plus Tool, quoi. Il y a d'ailleurs un peu cette partie là avec des chansons un peu longues, là ça durait 6 minutes il me semble, des chansons un peu longues avec beaucoup d'aller et venu, on va partir à droite ou à gauche, rajouter des petites des nouveaux accords, de nouvelles mélodies, tout ça au milieu de la chanson, et il va y avoir un chemin un peu sinueux, alors que bon, le rock classique, metal classique, tout ça va être un peu plus radio friendly, c'est-à-dire couplets, refrains, etc. Là où le metal progressif va se permettre d'aller un peu plus loin dans la composition. Un groupe du coup Angra qui joue depuis 91, qui a beaucoup d'anciens membres. Ça a beaucoup bougé au fil des années, avec quand même des noms assez connus qui ont joué, des gens qui ont joué avec Megadeth, avec Symphony of Fire et trucs comme ça. Donc quand même des gros groupes, mais voilà, je vais pas, honnêtement je serais même pas capable de vous dire qui exactement joue sur cette chanson là tellement, surtout en ce moment là c'était un peu le bordel. Il me semble qu'en 2001 il y a la moitié du groupe qui est parti pour former un autre groupe, les autres ont été remplacés, mais ces remplaçants aussi c'est un assez gros bordel. Sur Wikipédia il y a la timeline, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la préciser, je suis pas sûr. En tout cas voilà, Angra avec Casa y Casador, une version donc en portugais de leur chanson Hunters and Prey, que vous pourrez retrouver sur l'EP du même nom, sorti en 2002. Voilà, moi je sens que vraiment j'aime vraiment beaucoup, que je mets parfois en soirée, ça fout toujours ça fout une bonne ambiance, et ça reste du métal parce que bon, on écoute quand même du métal. Allez, c'est parti, moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle chanson. Et bonjour, bienvenue dans été.mp3, votre émission quotidienne. On est sur Radio No Culture, évidemment. Et aujourd'hui, comme les autres jours, pendant tout l'été, du lundi au vendredi, on va écouter une nouvelle chanson, peut-être une découverte pour vous. On va écouter Sélénite. Voilà, un groupe une personne que j'apprécie particulièrement, parce que c'est un Mathieu Tamizier qui joue tout seul sous le nom de Sélénite, qui va sortir un album en septembre. Et on va écouter une chanson qu'il a sortie là, il y a quelques semaine pour teaser cet album-là. Ça s'appelle A River Bed, donc un lit de rivière. C'est sur l'album à sortir en septembre qui s'appellera Sandboxes. Et voilà, on écoute ça, A River Bed de Sélénite. A couple of times beside a dusty prom, a dancing carousel holding my last song. Like a child who was a dreamer, like the child I've always been. No matter how many rivers I will have one day to drink. Don't you hide my song when you have to speak. Don't you think we all have to believe all your dirty dreams? Mm-hmm. times in the silence, I just ask you to hold me tight. It's probably 'cause it erases that feeling. I would prefer not to tell you where my recesses are, but obviously it seems that it won't work without a word. So I follow speaking love, it means so much to me. Maybe it is so much stronger than all I can carry. No more to be, but us, my little carousel. Volcanoes be the game on a riverbed. Riverbed, Riverbed en bon François par par Selenite, qui est donc la chanson qui une des chansons qui préfigure son futur album Sandboxes, qui sortira en septembre de cette année. Voilà, ben une chanson très Selenite. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment ça, donc une voix très très calme, très très posée. De temps en temps, il va avoir quelques petites explosions, là c'était pas le cas, mais ça peut arriver. Une voix qui maîtrise vraiment bien. Il chantait dans un groupe de gros rock avant, qui s'appelait Cold Dust, que j'aimais beaucoup, que je vous invite à aller écouter aussi. Voilà, qu'il a quand même vraiment des belles capacités vocales. Sandboxes, qui sortira donc en septembre 2023, je ne sais plus combienième album c'est. Il a sorti pas mal d'EP avant et quelques albums, enfin je ne sais plus exactement, et il les a retirés, je crois, de... je ne sais pas si c'est lui, hein, qui les a retirés des plateformes. Vous pouvez retrouver quand même quelques chansons sur YouTube, etc. En tout cas, une chanson qui, je trouve, ben, préfigure déjà d'un très bel album, mais qui fait surtout rentrer Selenite avec cette guitare en arpège très calme, cette voix qui est très très mélodique aussi, qui est vraiment pour le coup vraiment très travaillée, j'ai l'impression. Et puis il s'autorise, j'ai l'impression aussi, de plus en plus à rajouter des petites choses dans le fond, voilà, parce que sur scène il est vraiment tout seul avec sa guitare. Alors parfois je crois qu'il a une grosse caisse pour mettre un peu de percu, on va dire ça comme ça, sur certaines chansons, mais sur les albums au début c'était quand même assez calme. Alors parfois il mettait une deuxième voix, une deuxième guitare, choses comme ça, mais pas beaucoup plus. C'était juste pour avoir un son un peu plus gros que pour ajouter des choses différentes. Là, on voit qu'il s'autorise derrière à avoir quelques nappes. Il me semble que c'est une guitare très réverbérée qu'il a derrière sur cette chanson-là. Et puis, ça peut arriver, t'entends, d'avoir un petit piano, quelque chose comme ça. En tout cas, Selenit, qui sortira donc son album en septembre, je vous invite à aller quand même fouiller un peu Internet, que ce soit Spotify, Deezer, YouTube, etc. Peut-être sur Bandcamp aussi, il y aura certainement quelques chansons à l'écoute. Voilà, et aller fouiller tout ça pour vous écouter Selenit, vraiment pour le coup, je n'arrive pas à trouver une mauvaise chanson de Selenit. Bon, il y en a que j'apprécie évidemment plus que d'autres, mais il y a toujours beaucoup de travail derrière chaque chanson, une vraie ambiance, une vraie thématique à chaque chanson qui sera différente de l'une à l'autre. Et voilà, il y a le sur aussi sur les réseaux sociaux, et évidemment, il se passe pas mal de choses, il fait pas mal de concerts en ce moment en plus, un peu partout en France, et là, il commence à avoir même des critiques, des bonnes critiques venues d'Angleterre, donc peut-être qu'il va aller jouer en Angleterre aussi pour ceux qui sont là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, un concert, c'est vraiment cool, il installe tout de suite une bonne ambiance, assez chaleureuse, un peu mélancolique tout ça, mais c'est vraiment un concert à aller voir. Voilà, Selenit, en français avec des accents sur les « et donc une chanson Riverbed sur Sandboxis qui sortira donc en septembre. Bienvenue tout le monde sur Radio No Culture, vous êtes dans l'émission été.mp3, c'est tous les jours pendant tout l'été, du lundi au vendredi, on écoute une chanson que j'essaie de vous faire découvrir en essayant d'être éclectique toujours. Aujourd'hui, Diabolo Kiwi avec une chanson qui s'appelle Gakige, qui était la chanson officielle de Rewatch 2020, évidemment pas de bol, c'est tombé en plein confinement, donc Rewatch annulé. La chanson est quand même super cool et donc je vous laisse écouter ça, Gakige de Diabolo Kiwi. Tokia hartu du Diabolo Kiwi avec Gaki Ge, une chanson écrite, les paroles écrites par Orti Doate et la musique par Diabolo Kiwi, qui était censée être la chanson, enfin qui était la chanson officielle 2020 de Eri Urach. Qu'est-ce que c'est Eri Urach? C'est la fête des Ikastola. Qu'est-ce que c'est Ikastola? Ben c'est les écoles en basque immersive. Voilà, donc une chanson qui est, ben, je trouve, particulièrement bien pour Eri Urach. C'est vrai que ces dernières années, j'ai été assez critique des chansons d'Eri Urach. Pour le coup, celle-là, elle marche vraiment bien. Et un temps, c'est vraiment un exercice de faire un mélange entre donc cette fête très populaire avec beaucoup de gens ensoleillés, enfin qui est censé être ensoleillé, tout ça, et le propre style du groupe. Avoir un mélange des deux, c'est assez difficile. Il y a des groupes qui arrivent, il y a des groupes qui arrivent pas. Je trouve que Diablo Kiwi s'en est très très très bien sorti. Faut un petit récap de Diablo Kiwi. Donc un quatuor qui au départ était assez funk rock comme ça, qui ont sorti un premier EP de 5 chansons il me semble en 2019, très funky tout ça, et un premier album en 2021 qui lui était un peu plus spatial, avec plus d'espace à la voix de la chanteuse, donc qui était un peu plus spatial, et surtout au clavier, donc la chanteuse était aussi au clavier, qui du coup nous amenait vraiment avec ses sons un peu cheapos, un peu années 80, hein, encore une fois, vraiment plus dans l'espace. Et puis même l'album avait ce petit côté synthwave avec une basse aussi assez synthétique, assez numérique, même si bon, c'est une pédale qui faisait ça, il jouait vraiment de la basse. Et voilà, du coup, un premier album qui était vraiment très réussi. Donc, je vous invite à aller écouter Diabolo Kiwi. Ces deux albums, c'est disponible partout, hein, sur Deezer, Spotify, enfin comme d'habitude. Sur YouTube, je ne sais pas s'il y a tout sur YouTube. En tout cas, cette chanson-là qu'on vient d'écouter est sur YouTube, avec le clip, évidemment, de Stéphane Etchegaray. Donc, c'était pour Eri Urach 2020. Voilà, bon, qui n'a pas très bien marché, évidemment, c'était pas en confinement. Donc, il n'y a pas eu d'Eri Urach, mais la chanson, je trouve qu'elle reste quand même très bien, et je trouve que c'est quand même, pour le coup, vraiment un très très bon exemple de mélange entre le style du groupe qui est assez funk tout ça, mais pas forcément très funk dans le sens où on fait la grosse fête tout ça, hein. Et Eri Urach qui se veut un truc très populaire, très ensoleillé, et donc voilà, il faut se plier, il faut plier les deux, ça marche très bien. Petite partie rock au milieu de la chanson, ou plutôt vers les deux tiers, moi, qui me fout un petit peu des frissons à chaque fois, hein, ça donne vraiment envie d'y aller, d'aller voir des gros concerts avec les copains. Et voilà, donc un exercice pour Diablo Kiwi que je trouve très réussi. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chanson. Et bienvenue, on est toujours sur été.mp3 sur Radio No Culture, 18e émission, déjà 18e chanson que j'espère vous allez apprécier. Aujourd'hui, on parle de Muse et on va écouter une chanson sortie sur leur dernier album, ça s'appelle Won't Stand Down, sur l'album sorti en 2022, Will of the People. C'est parti. I thought I was strong, but you were just gaslighting me. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, living vicariously. I never believed that I would concede and get myself blown asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take. Won't stand down, I'm growing stronger. Won't stand down, I'm old no longer. Won't stand down, you've used me for too long. Won't I'm playing you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened open my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I'm allowed to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back, a counterattack, a psychological war. I'm cutting you in, I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Muse qui revient donc en 2022 plus métal que jamais avec cette chanson Won't Stand Down. C'était le premier single, il me semble, qu'ils ont sorti pour annoncer Will of the People, qui s'était sorti en août 2022, si je dis pas de bêtises, donc il y a un peu moins d'un an maintenant. Et qui, voilà, moi personnellement, m'avait foutu des grosses attentes du coup après cette chanson assez, je sais pas, très métal pour du Muse, surtout ces dernières années, mais qui reste quand même dans ces accords-là, très, très typique du son de Muse. Donc j'attendais beaucoup après avoir entendu ça, peut-être un peu trop, certainement un peu trop, puisque l'album s'est avéré, pour moi en tout cas, assez décevant, parce qu'en fait il va un peu dans tous les sens. Il y aura des chansons comme ça très très métal, une ou deux très métal, et puis à côté il y a une petite balade au piano qui, pour le coup, j'ai pas compris, pourrait avoir été composé pour n'importe qui, pour Rihanna, pour Taylor Swift, qui faisait du coup pas vraiment Muse, à part un petit changement d'accord, ou là aussi, d'accord, ça c'est assez typique de Muse, sinon, ouais, voilà, et puis des chansons très très différentes les unes des autres. Alors, je sais pas, pas vraiment de ligne conducteur sur cet album-là. Les précédents avaient quand même beaucoup plus de lignes conductrices que cette fois-ci. Mais voilà, une chanson quand même que j'apprécie particulièrement, avec ce gros riff de guitare bien gras, bien lourd. Ça, c'est quand même assez rare pour du Muse, qui préfère plus souvent des riffs un peu plus dans les aigus, un peu plus dynamique que quelque chose de très lourd comme on a là. Mais quand même, ils s'en sortent très bien dans le métal. En même temps, Muse n'a jamais caché son... plutôt, Matthew Bellamy, le chanteur-compositeur, n'a jamais caché son admiration pour beaucoup de groupes de métal. Et on sent qu'il en écoute pas mal. Alors là, il me semble qu'il a quand même une guitare avec un accordage assez bas pour pouvoir envoyer ce gros riff bien crado. Le son aussi est vraiment assez cool, doublé évidemment à la basse. Il me semble que même de temps en temps, il y a sur la partie gros riff au milieu, le pont riff, il y a même un peu d'électro qui double le riff de guitare, et étonnamment ça marche quand même vachement bien. Et puis bon, ce refrain toujours grandiose sur 8 accords qui ne font que monter, et au fur et à mesure des refrains qui vont venir s'enrichir de chœurs, de violons, etc. Enfin voilà, une très bonne chanson du Muse sur peut-être l'album que personnellement j'ai le moins compris, que j'aime le moins, je pense, même si bon, là j'avoue que de temps en temps j'ai mes algorithmes qui me mettent des chansons de l'album, et puis c'est vrai que c'est pas dégueulasse, c'est peut-être qu'en tant qu'album à écouter de A à Z, c'est un peu déroutant, voilà, surtout pour Muse qui a l'habitude d'avoir quand même une ligne directrice par album. Ça c'était la chanson du jour. On est sur été.mp3, c'était la 18e chanson, et on va se rejoindre demain pour la suivante. Été.mp3, c'est ça que vous êtes en train d'écouter sur Radio No Culture tous les jours, du lundi au vendredi, tout l'été. On vous fait écouter une chanson que vous connaissez peut-être, mais certainement pas. J'ai essayé d'être éclectique et aujourd'hui, j'ai choisi une chanson pour ses paroles. Ça, c'est incroyable. Moi qui ne suis pas un gros fan des paroles, c'est une chanson sortie en 2006 de Renan Luce sur son album Repenti et s'appelle Je suis une feuille. On l'écoute. J'imaginais que je me trouverais là, une mine de stylo plantée sur ma peau. Oh. Les yeux de mon bourreau qui ne me quitte pas, ma blancheur lui fait peur, je sais qu'il cherche ses mots. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Moi j'aimais le vent se perdant dans les feuilles, le murmure de la sève qui me donnait la vie. Moi j'aimais la hauteur que j'avais sur les choses, je n'ai pas vu venir la lame qui m'a trahi. Au moins je servais de papier officiel pour signer des traités et protéger les faibles. Ou être dans les mains d'un poète oublié qui me jetterait ses vers comme on cherche un ami. J'aurais pu être pressé sur le cœur d'une enfant, écoutant dans mes lignes la voix de son amant. Ou être le pliage d'un gamin de 8 ans et voler dans les airs sous les rires des enfants. Ou être dans les pages d'un livre d'histoire qui dit que le chemin est encore tellement long. Voilà que je sens que la plume me frôle et les lettres se forment comme l'encre tourbillonne. Je n'ai jamais vu plus lourd que le poids de ces mots. C'est la misère d'un homme que je sens sur mon dos. Je veux finir d'avec ma vie, pardonne-moi mon amour, mais je m'arrête ici. Ce n'est pas de ta faute si je baisse les bras, mais j'ai perdu ma chance de gagner ici-bas. Et moi, c'était mon rôle de porter tous ces mots, et les larmes d'une femme tomberont sur moi bientôt. J'aurais pu être pressé sur le cœur d'une enfant, écoutant dans mes lignes la voix de son amant. Ou être le pliage d'un gamin de 8 ans et voler dans les airs sous les rires des enfants. Mais je tourne la page d'une triste histoire qui dit que le chemin n'était pas tellement long. Je suis une feuille de Renan Lu, sorti en 2006 sur l'album Repentis et qui va réussir à m'arracher une petite larme, ce con. Voilà une chanson que j'ai choisie pour ses paroles. C'est assez rare pour ceux qui me connaissent. Je suis pas très très parole, mais là, faut avouer que ben il a une plume, quoi. Il sait quand même joliment écrire les choses. Alors bon, c'est la fin un peu pathos, presque un peu trop facile. Mais bon, pour le reste, il sait mettre sur une feuille. Sur une feuille, voilà. Évidemment, il sait mettre sur une feuille la vision qu'il y a des choses, la légèreté des choses parfois et la gravité d'autres. Et puis, c'est sa voix toute calme, très sobre. Je trouve que ça marche très bien avec ce genre de chanson. Qui n'est pas forcément, du coup, alors je disais pathos à la fin, oui, parce que le coup du suicide, bon, c'est toujours très grave, c'est presque un peu du déjà vu, mais bon, c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent, il avait envie d'en parler, pourquoi je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut demander ça, mais en tout cas, voilà, il s'est vraiment poser ses mots et surtout poser sa voix sur ce genre de texte, voilà, une chanson sortie donc en 2006, ça fait presque 20 ans déjà sur son album Repentir. Comment je crois j'écoutais chez ma grand-mère, il me semble, quelque chose comme ça, que j'avais découvert comme ça, et que je vous conseille, voilà, vraiment l'album est vraiment cool, et puis voilà, il y a vraiment des très beaux textes. Alors il avait sorti, c'était le j'ai reçu une lettre, le gros tube, qui était déjà très bien écrit. On voit très bien, on avait toute l'image de toute son histoire, seulement que ses paroles. Et puis il y a quand même ce truc sur Je suis une feuille qu'on vient d'écouter, que c'est peut-être un peu, je disais, un peu facile, le coup du suicide. Encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi il a écrit ça lui appartient, mais il n'en fait pas non plus des caisses. La musique n'est pas complètement triste, avec des accords mineurs, des violons dans tous les sens. Il y a quand même un petit, comme un petit espoir qui subsiste, comme quelque chose, comme si c'était un fait divers triste, mais que la vie continuait quand même, comme si la vie continuait derrière. Et voilà, cette espèce de petite lueur d'espoir qui est la bienvenue dans ce climat qui sinon aurait été assez morose. Morose, c'est peut-être pas le mot, peut-être pas assez fort pour exprimer ce qu'il avait envie de dire avec cette chanson. Mais en tout cas, voilà un mélange que je trouve vraiment réussi venant de Renan Luce, du coup, sur son album Repenti en 2006, Je suis une feuille. Donc évidemment, ça c'est retrouvable absolument partout, sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur les autres, etc. Voilà, c'était la 19e de été.mp3.